Chapitre 5e. L'été arriva, chaud et venteux. La récolte du blé ne fut pas mémorable et le bénéfice ne permit à Honoré que de payer le loyer courant. Quant aux tomates, le mistral les malmena de concert avec la sécheresse. Ce fut encore une expérience ratée pour Honoré, une nouvelle raison de penser que le monde entier s'était ligué contre lui, que rien de ce qu'il entreprenait ne réussissait, qu'il était décidément maudit. Le mistral mit tout le monde d'une humeur exécrable. Lorsque le vent tombait, les nuages s'installaient et la pluie détrempait les champs. Les terres n'avaient pas le temps d'absorber l'eau et les canaux débordaient assez rapidement. Puis, lorsque le beau temps revenait, le soleil et le vent séchaient la terre, formant une croûte dure et cassante. Honoré eut les nerfs à fleur de peau jusqu'à fin septembre. Il était persuadé que les éléments se déchaînaient contre lui seul. La terre lui en voulait, et il en voulait à la terre entière. La rentrée scolaire, début octobre, lui apporta un peu de répit en le débarrassant des garçons. Plusieurs fois, il était revenu à la charge pour les hypothèques de prêt auprès de Louise, dont l'entêtement le mettait hors de lui. Toutefois, il s'abstint de molester les enfants et fit en sorte que Louise ne garda pas de traces de ses coups. Tous les dimanches, la famille passait la journée à la ferme des Moulières, où elle se rendait à pied. Le soir, tout le monde s'en retournait, en file indienne et la mine basse, les enfants se languissant de retourner à l'école le lendemain. Dans la nuit du dimanche 20 octobre 1861, vers 1 h, les pignatelles furent réveillées en sursaut par des coups violents frappés à leur porte. « Pétard de sort, qu'est-ce que c'est ?» s'exclama Marcel en posant un pied par terre. « Prends ton fusil, il est chargé au moins ?» Pignatel possédait effectivement un fusil de chasse à 2 canons à cheminée juxtaposée. Bien entendu, il n'était pas chargé car la poudre n'étant pas tenue au sec dans des étuis, elle était souvent humide et ne s'enflammait guère. De plus, il fallait le charger par le canon et Pignatel n'avait pas le temps de le faire. « T'inquiète, je descends. Et toi, ne bouge pas d'un pouce, tu entends ?» Il alluma une lampe à pétrole et quitta la chambre. Arrivé en bas, alors qu'on tambourinait toujours à la porte, il tira du porte-parapluie un sabre de hussard et se dirigea vers la porte. « Qui bat là ? » cria-t-il. « C'est moi, Fréjol, » répondit une voix affaiblie. « Je t'en supplie, ouvre-moi. » Il fallait regarder à 2 fois, car le Fréjol ne s'était guère amélioré. « Qu'est-ce que tu veux à 1 heure pareille ?» redemanda Pignatel. « Ouvre, nom de Dieu, je suis blessé, j'ai été attaqué. » « Fréjol est violent, un peu barjot, » se dit Pignatel. « Mais il doit avoir un problème. Soyons prudents, mais voyons ce qu'il a. » Il entrebâilla la porte après en avoir ôté les verrous et tendit la lampe en avant, le sabre dans l'autre main. Son regard porta à hauteur d'homme et il ne vit rien que la nuit. « Aide-moi. » Pignatel dirigea alors son regard vers le sol et ce qu'il éclaira lui coupa le souffle. Il avait à ses pieds une masse rouge, totalement rouge, comme vernissée. Il reconnut effectivement Fréjol agenouillé, entièrement couvert de sang. Pour le coup, il jeta le sabre et posa la lampe par terre. « Bordel, mais qu'est-ce que c'est ? Mireille » cria-t-il. « Viens, viens, nom de Dieu, descends !» Mireille n'avait pas suivi ses consignes et était derrière lui. « Je suis là, » murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Aide-moi, nous allons le tirer à l'intérieur. » Dans un moment pareil, Mireille ne pensa pas à la propreté de cette tomette. Le corps de Fréjol y laissa une belle traînée rougeâtre. « Allume la lampe qui est sur la cheminée. » Pignatel étendit le corps de Fréjol sur le sol et plaça une couverture roulée sous sa nuque. Sur le côté droit de la mâchoire inférieure, il remarqua une grosse marque noire de sang coagulé qui devait être une blessure. Néanmoins, tout le reste du corps de Fréjol était également couvert de sang. « Donne-lui à boire, Mireille, un petit coup de mare. » Fréjol souleva la tête pour boire à petits coups. « Il faut me conduire à l'hôpital, Marcel. Je ne peux pas rester comme ça. »« Bien sûr, nous allons t'amener. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le mar ayant joué son rôle d'anxiolytique, Fréjol s'expliqua. « La nuit était tombée. Je revenais de la ferme de la mère Fabre et j'étais attaqué en traître. Je ne sais pas combien ils étaient. Je ne sais pas qui c'est. J'essayais de me défendre et on m'a tiré un coup de pistolet dans la figure. Je suis tombé par terre. Je ne voyais plus rien avec le sang. Je me suis évanoui et ils ont dû croire que j'étais mort. Quand je suis revenu à moi, il n'y avait plus personne. Je sentais que j'étais couvert de sang et ma mâchoire me faisait un mal de chien. Alors je me suis traîné chez toi, parce que je ne serais pas arrivé jusqu'à Pertuis. » Mireille avait trempé un linge et tentait de nettoyer le visage de Fréjol sans toucher à sa blessure. Pour le reste, il y avait tellement de sang que le mieux aurait été de jeter tous ses vêtements. Cela attendrait plus tard. Mais c'était dimanche hier, il y avait les tiens chez la mère Favre. Que sont-ils devenus? Je ne sais pas. Je ne suis pas repassé par la ferme pour entrer. Ils sont certainement retournés avant moi. Ils doivent être à Pertuis, au moulin. Bon, conclut Pignatel, j'attelle le mulet et nous allons te conduire à l'hôpital sur un plateau. Mireille, apporte des couvertures, qu'on puisse le caler. Le trajet fut long et pénible pour tous. Dans certains passages, Mireille descendait de la charrette et éclairait la route. Malgré les couvertures, Fréjol était ballotté au gré des ornières et vagissait comme une bête blessée. Il fallut tambouriner et tempêter pour se faire ouvrir à l'hôtel-dieu de Pertuis. Dès que le corps de Fréjol fut éclairé, les bonnes sœurs ne firent plus de difficultés pour admettre le blessé. Il était maintenant 4 heures du matin. Malgré l'heure, Pignatel alla aussitôt prévenir la police de l'agression de Fréjol. Le commissaire en personne arriva quelques minutes plus tard pour voir le blessé et recevoir son témoignage. Le blessé ayant reçu un tranquillisant et dormant paisiblement, les sœurs infirmières interdirent qu'on le visitât. Ainsi, ce fut Pignatel qui raconta l'affaire, aidé de son épouse. Aussitôt, le commissaire décida de se rendre au domicile de Fréjol, quartier des Moulins. On toqua la porte, on appela, on fit le tour de la maison sans succès. Pignatel réussit à entr'ouvrir un volet et à se glisser par une fenêtre entrebâillée. Ils fouillèrent la maison qui était désespérément vide. Alors, l'alarme et la précipitation gagnèrent le groupe. Le fonctionnaire impérial revint au pas gymnastique au commissariat pour s'adjoindre aux deux brigadiers, avec lesquels, à cheval, il se rendit à la ferme des Moulières, près de laquelle avait eu lieu l'agression de Fréjol, d'après les dires de ce dernier. Aux abords de la bâtisse, rien ne paraissait anormal. Aucun bruit ne révélait un mouvement quelconque. Le toit n'avait qu'une pente qui donnait sur l'arrière de la maison. Juste une petite volute de fumée pouvait laisser supposer une présence. Les roussins pénétrèrent dans la ferme par la petite porte du bas. Tout était silencieux, mais une odeur âcre agressa leurs narines. Ils s'engagèrent dans l'étroit escalier et, à mi-parcours, remarquèrent que le jour levé était visible à travers la toiture qui finissait doucement de se consumer en laissant échapper de petites fumerolles. Lorsqu'ils prirent pied sur le plancher couvert de sang de l'étage, ils furent frappés de stupeur. Un désordre indescriptible régnait dans la pièce. Des bouts de toiture brûlaient encore au milieu des débris du rare mobilier de la pièce, et des gravats provenant de pans de murs écroulés. Une odeur de corne brûlée flottait dans la bâtisse et piquait la gorge et le nez. À l'aide d'une couverture intacte, les trois hommes éteignirent l'incendie et procédèrent à la fouille des débris. Ce qu'ils découvrirent alors leur souleva le cœur et deux d'entre eux ne purent retenir leur vomissement. Parmi les bouts de bois calcinés, les morceaux de plâtre, ils trouvèrent d'abord un corps de femme noirci auquel il manquait les membres et la tête et qui, comble d'horreur, avait été en partie éviscéré. En continuant à fouiller, ils découvrirent deux autres corps qui avaient reçu le même abominable traitement. Les membres manquants ainsi que les têtes furent retrouvés dans les décombres à moitié calcinés. De toute évidence, il s'agissait de la femme Fréjol et des deux enfants, Léon et Michel, que l'on avait massacrés et livrés aux flammes. Le brasier n'avait pas été suffisamment ardent pour faire disparaître toute trace de cet holocauste. Les entrailles furent retrouvées dans un panier à demi calciné et des flots de sang baignaient le sol et ce qui restait des murs. La première stupeur passée, les recherches permirent de découvrir un grand couteau de cuisine à longue lame ainsi qu'une serpe qui avait certainement dû servir aux meurtriers pour dépecer leurs victimes. À l'angle nord de la pièce, on retrouva un fusil à un coup dont la crosse avait en grande partie brûlé et dont le canon s'était détaché du fût. À côté d'une lampe qui avait dû servir à éclairer le massacre, on trouva un pistolet qui avait récemment servi. Au premier abord, le commissaire conclut que le pistolet était l'arme qui avait servi à tirer sur Fréjol et que les meurtriers avaient ramené là avant de se livrer à leur massacre. Le déroulement des faits paraissait assez évident. Les meurtriers étaient au moins deux. L'un était entré dans la ferme et avait tenu en respect la femme Fréjol, pendant que l'autre s'était posté sur le chemin pour intercepter Fréjol et le neutraliser en l'assassinant. Heureusement ou malheureusement, il l'avait manqué et ne l'avait que blessé. Toutefois, le laissant pour mort, il avait rejoint son acolyte et tous deux s'étaient livrés à leur orgie. Ensuite, pour faire disparaître les traces de leur forfait, ils avaient mis le feu à la bâtisse. Fréjol, pour être couvert d'autant de sang, avait dû revenir à la ferme et se battre avec les agresseurs ou tenter de sauver les siens. Mais quel était le mobile de cette tuerie? Le vol? De toute évidence, il n'y avait rien à voler dans cette pièce. Les seuls objets de valeur étaient les armes et les meurtriers les avaient soit cassés ou laissés sur place. De magot, point non plus. Tout le monde savait que Fréjol tirait le diable par la queue. Les enquêteurs s'en retournèrent à Pertuis en milieu de matinée. Les services municipaux furent prévenus et le commissaire enfourcha sa monture pour se rendre auprès du procureur d'Apt. Pendant ce temps, le médecin-chef de l'Hôtel-Dieu avait examiné la blessure de Fréjol, qu'on n'avait pas encore prévenu des macabres découvertes de la ferme des Moulières. Sa blessure n'était en fait qu'une grosse brûlure pleine de poudre calcinée. Le coup avait été tiré à bout touchant mais sans projectile. Le médecin s'interrogea sur la quantité de sang répandue sur le corps de Fréjol, quantité qui ne résultait pas de cette seule brûlure qui ne pouvait, en tout état de cause, l'avoir mis dans un pareil état. De plus, l'autopsie de Louise Fréjol révéla un détail qui glaça le sang de tout le monde. Elle était enceinte de jumeaux de 3 mois, évidemment mort dans son ventre. Ceci porta son comble l'horreur du massacre. Plus tard, interrogé par le juge, Fréjol répéta calmement ce qu'il avait dit à Pignatel. « Comment se fait-il que vous soyez retourné à Pertuis en laissant votre femme et vos enfants dans la ferme ?»« Mais je croyais qu'ils étaient partis. La nuit était déjà tombée, alors je me suis dépêché, et sur le chemin, on m'a tiré un coup de pistolet en plein visage. »« D'après ce que vous avez dit, vous n'étiez pas loin de la ferme. Pourquoi ne pas y être retourné ?»« Ben, je ne savais pas ce que j'avais. » Je voulais qu'on me soigne, et comme je pensais qu'il n'y avait plus personne aux Molières, j'ai essayé de rentrer à Pertuis, mais sur la route, je me suis senti mal, et heureusement qu'il y avait Pignatel. Vous maintenez donc que vous n'êtes pas retourné dans la ferme ? Pas de réponse de Fréjol. Le juge persista sur l'éclaircissement de ce point. Des traces de sang ont été relevées, depuis l'escalier de la ferme jusque chez Pignatel. Vous persistez à affirmer que vous ne vous êtes pas rendu dans la ferme ? Oui. Le juge était extrêmement perplexe et ne voulait pas considérer l'hypothèse du commissaire. En plus de la question des traces de sang, ce qui clochait dans la théorie du policier, c'était l'absence de mobile. Pourquoi s'en prendre à cette femme et ses 2 enfants? Pourquoi cette boucherie digne de barbares sans nom? Et puis, de tels assassins assoiffés de sang auraient certainement commis d'autres forfaits dans la région. Fréjol, continua le juge, votre blessure n'a pu occasionner un tel épanchement de sang sur votre corps. Vous en étiez littéralement barbouillé de la tête aux pieds, comme si l'on vous avait trempé dans un bain de sang. Or, un bain de sang, il y en avait justement un dans la pièce de la ferme. Il y avait du sang partout, du sang sur les murs, du sang sur le sol, sur chaque objet, chaque bout de plâtre. Qu'avez-vous à dire à cela ? Rien, monsieur le juge, c'est comme je vous l'ai raconté. Vous dites qu'on a voulu vous tuer. Alors comment croire qu'on vous ait tiré dessus à blanc? Pourquoi les assassins ne se sont-ils pas livrés sur vous à la même boucherie que sur votre femme et vos enfants? Il leur était pourtant facile de vous ramener à la ferme et de vous massacrer en même temps que les autres. Répondez, nom de Dieu. Ça s'est passé comme j'ai dit, monsieur le juge, répondit calmement Fréjol. Le plus étonnant était que Fréjol, d'ordinaire coléreux, emporté, vindicatif, était d'un calme olympien, comme si on lui avait fait subir un électrochoc. Le juge essayait de le faire sortir de ses gonds, réagir, se compromettre d'une façon ou d'une autre. Puis, au hasard des témoignages, le juge apprit qu'après une altercation avec le commissaire, Fréjol s'était livré à un holocauste sur 2 pauvres poules, qu'il avait réduites en cendres après les avoir égorgées et éventrées. Par ailleurs, plusieurs personnes avaient témoigné qu'il battait régulièrement sa femme et ses enfants. Mireille et le père Bernac confièrent au juge des détails intimes sur les rapports tendus du couple, toujours au sujet de l'argent et des enfants. Le juge tenait enfin un solide mobile. la paranoïa alliée à une folie meurtrière, passagère certes, mais d'une violence peu commune. Entre-temps, on déposa les restes des victimes dans un même cercueil et l'enterrement fut organisé. Le maire de Pertuis, le procureur impérial d'Apt, le juge de paix, la gendarmerie et tout le clergé y assistèrent. La population entière suivit ce lugubre cortège. Dans une suprême tentative, le juge agressa littéralement ce présumé coupable à tonnes et pourtant monstrueux. Fréjolles, je vais vous dire ce qui s'est passé. Depuis des mois, vous vous disputiez avec votre femme pour qu'elle vende ses biens ou qu'elle les hypothèque pour vous donner de l'argent. Or, cet argent, vous n'auriez su quoi en faire, à part le dilapider, car vous êtes un incapable, Fréjolles, un incapable et un malfaisant. Vous ne supportiez plus vos enfants, qui pourtant vous aimaient, malgré la façon abominable dont vous les traitiez. Vous pensiez que la terre entière vous en voulait, alors que ce qui vous arrivait n'était que la conséquence de votre incapacité et de votre imbécilité. Pour comble de malheur, votre femme avait dû vous apprendre que vous alliez avoir deux bouches de plus à nourrir. Alors, ce fameux dimanche, pris d'un accès de folie meurtrière, comme ça vous arrivait souvent, vous avez décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Vous alliez supprimer tout ce qui vous gênait. Et vous avez fait à votre famille ce que vous aviez fait aux poules. Vous les avez égorgées, éventrées, découpées en morceaux, et vous avez mis le feu pour tout faire disparaître. Mais encore une fois, vous êtes un incapable. Vous n'avez pas été fichu de mettre le feu comme il faut. Vous avez raté votre fausse agression et surtout, vous n'avez pas eu le courage de vous suicider. Ça aurait été facile en chargeant le pistolet d'une balle. Ou vous auriez pu vous pendre au lieu de brûler la charpente. Mais même cette mort, vous l'avez ratée. Vous êtes une bête immonde et je vous garantis qu'on vous coupera la tête. Tu sais, j'ai laissé mon poste. Le juge fit une pause pour reprendre son souffle en même temps que son calme et délivrer la partie la plus importante de son discours. Fréjolles Honoré, Valentin, je vous accuse de 3 assassinats abominables, sans compter les 2 fœtus dans le sein de votre épouse. Vous passerez devant la cour d'assises de Carpentras pour y répondre de vos crimes. Vous encourrez la peine de mort par décapitation. Garde, emmenez l'accusé.